Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La scène est insolite. Deux hommes, un grand cinéaste et un grand écrivain, se tiennent dans la cuisine d'une villa hollywoodienne et se livrent à leur passe-temps du moment, congelés de l'huile d'olive. En 1960, sur les ondes de France 3 Nationale, Jean Renoir racontait à Hélène Tournaire quelques souvenirs de la décennie qu'il passa aux États-Unis entre 1941 et le début des années 50. Dans le troisième moment de cette rencontre, diffusé pour la première fois sur France 3 Nationale le 27 mai 1960, il expliquait dans quelles circonstances il avait hébergé à Los Angeles son ami Antoine de Saint-Exupéry et à quoi les deux hommes avaient alors occupé leur journée. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tournaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, au cours de notre dernière rencontre, vous aviez quitté Flaherty à Washington et avec votre femme Dido, vous regagnez Los Angeles. Oui. Comment avez-vous trouvé la ville et le Hollywood dont tout le monde a rêvé, celui des artistes associés de... Bien, écoutez, il faut d'abord que je vous dise que nous sommes allés de Washington à Los Angeles en avion. Les avions n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, c'était des bimoteurs et ça n'allait pas extrêmement vite. Et notre voyage a été assez lent d'ailleurs parce que nous nous sommes trompés, nous sommes montés dans le mauvais avion et c'est un avion qui faisait tout le tour des États-Unis par le sud. Mais nous ne l'avons pas regretté parce que le seul fait d'atterrir dans des airports, dans des aérodromes inconnus et chacun avec une atmosphère différente nous a absolument séduits. Et puis alors... Vous savez, dans tous les pays du monde, les hôtesses de l'air sont très aimables, très gentilles. Et là encore, nous avons bénéficié de notre qualité d'étranger, de sorte que les différentes hôtesses qui se sont succédées dans cet avion omnibus, car nous nous arrêtions partout, nous ont donné des quantités de renseignements, nous ont expliqué ce qu'étaient les montagnes par-dessus lesquelles nous passions, certains lieux historiques, les grandes rivières, n'est-ce pas ? Nous ouvrions des grands yeux, n'est-ce pas, en pensant que nous allions voir le Mississippi. En effet, n'est-ce pas, c'est un fleuve immense, c'est un fleuve de boue d'ailleurs, mais c'est extrêmement impressionnant. Et nous avons pu avoir une idée de la géographie vue du ciel des États-Unis. Lorsque nous sommes arrivés au Texas, par exemple, je me rappelle, notre première station a été, je crois, Denver ou Houston, je ne me rappelle plus. Non, pas Houston. C'était Denver. Non, ça n'est pas Denver. Denver, c'est la capitale du Colorado. Non, ça doit être Dallas. Enfin, en tout cas, nous sommes arrivés dans l'aérodrome du Texas et brusquement, nous avons été entourés de ces personnages que nous n'avions vus que dans les films et qui sont les cowboys, n'est-ce pas ? Nous avions autour de nous des messieurs avec des grands chapeaux et des éperons. D'ailleurs, je crois qu'ils appartenaient plus ou moins à un cirque ambulant. Mais enfin, ça nous a fait une impression extrêmement curieuse. Nous étions très contents, nous étions ravis. Ça nous amusait beaucoup. Et quand vous êtes arrivés à Hollywood, à Los Angeles, si vous voulez, avez-vous trouvé la même atmosphère cinématographique ? Eh bien, quand nous sommes arrivés à Hollywood, nous sommes arrivés par l'air. Et l'arrivée, même à cette époque-là où Hollywood n'était pas éclairé, l'Hollywood, Los Angeles, puisque Hollywood n'est qu'un faubourg de Los Angeles. Mais Los Angeles était moins éclairé que maintenant, mais tout de même, c'était tout de même très impressionnant quand on est au-dessus de cette forêt de lumière, de ces avenues à l'infini, n'est-ce pas ? Parce que c'est une étendue immense. Un boulevard comme Sunset Boulevard, par exemple, a probablement une trentaine de kilomètres de long. Alors, cet océan de petites lumières au-dessous de soi, n'est-ce pas, c'est tout de même, on a l'impression d'arriver dans un endroit assez extraordinaire. Et puis alors, nous avons atterri, et puis nous sommes montés dans une voiture qui devait nous conduire à notre hôtel, et à ce moment-là, le vieux Hollywood existait encore. Vous savez, le Hollywood d'un d'un merveilleux mauvais goût. Le Hollywood un peu cirque, le Hollywood un peu baraque foraine, enfin le Hollywood des films que nous aimons. Et toute notre route entre l'aéroport et la ville, et Hollywood, pas la ville c'est Los Angeles. Bien qu'en réalité il n'y a pas de ville dans cette agglomération, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, n'est-ce pas, nous sommes entre l'aéroport et notre hôtel, et nous étions absolument ravis par la quantité de constructions genre décor qui bordaient la route. Vous savez, des cafés représentant, par exemple, une immense banane, parce que probablement qu'on y vendait des bananes. D'autres cafés représentant une immense orange, parce qu'on y vend du jus d'orange. Un côté manège de chevaux de bois et foire de Neuilly qui nous semblait absolument ravissant. Nous étions enchantés. Et puis alors, naturellement, nous sommes arrivés dans un hôtel très confortable qui, lui, avait des vraies portes, des vraies fenêtres et n'était pas déguisé en orange. Mais je vous parlais tout à l'heure de cette question de pas de ville. En effet, il n'y a pas de ville à Los Angeles. Los Angeles est né autour d'une mission, la mission de Notre-Dame-des-Anges, et autour de cette mission est né un quartier qui a été espagnol au départ, qui a été mexicain, qui pendant une partie du 19e siècle a d'ailleurs subi une influence française considérable. Il y a même eu un maire français à Los Angeles, et c'est lui, comme d'ailleurs beaucoup de Français architectes aux États-Unis, c'est lui qui a instauré la division en blocs carrés. C'est une idée Louis XIVe qui a gagné le monde. Très souvent, nous disons « Ah, les Américains, n'est-ce pas, ils ont des blocs comme c'est Manhattan », mais en réalité, nous avons commencé ça à Versailles. Et disons-le, c'est assez pratique. Quoi qu'il en soit, Los Angeles n'est pas exactement une ville, c'est un centre commercial, avec des grands magasins, des banques, un quartier d'affaires. Et autour de ce centre commercial, il y a des quantités de petites agglomérations avec des petites maisons basses. Les maisons, autrefois, avaient en général un ou deux étages. Maintenant, la mode est d'avoir des maisons avec seulement un rez-de-chaussée. N'est-ce pas le rêve de tout anglo-saxon et de tout américain? Même s'il n'est pas anglo-saxon, même s'il est d'origine japonaise ou esquimaude, car l'Amérique est un mélange de nations, eh bien, son rêve, c'est le jardin, n'est-ce pas? Et alors, Los Angeles est une ville où la plupart des gens ont leur jardin. Vous me disiez que les vedettes entre elles ne parlaient pas d'autres vedettes, mais de quoi parlent-elles? Ah ben, de jardin, n'est-ce pas? C'est la grande manie. Au début, n'est-ce pas, où j'ai commencé à travailler dans les studios de Hollywood, je pensais, n'est-ce pas, que la conversation sur le plateau serait une conversation extrêmement sophistiquée, que l'on parlerait du dernier ouvrage paru, de mode. En réalité, on parle surtout de poireaux et de carottes. On se donne des recettes. On dit, vous savez, dans tel magasin de graines, j'ai trouvé des graines de laitue extraordinaires. Et puis là, j'ai trouvé des plants de rosiers. Ça donne des roses grosses comme ça, n'est-ce pas? C'est ça la conversation normale, et cela va du machiniste jusqu'au directeur du studio. Vous nous disiez tout à l'heure, Jean Renoir, que vous aviez retrouvé le Hollywood des artistes associés, celui des films de Charlot et des Mystères de New York. Comment était-ce? Eh bien voilà, j'ai eu la chance, en arrivant à Hollywood, de faire la connaissance, ou plutôt de retrouver un Français, un homme remarquable, qui d'ailleurs a maintenant un succès étourdissant en dirigeant des films de télévision, qui s'appelle Robert Fleuret. Et Robert Fleuret connaît l'histoire de Hollywood comme personne. Il y est arrivé tout jeune, il a suivi le développement de la ville, et je lui ai demandé de me donner des renseignements sur ce qui pouvait rester du cinématographe des premiers âges. Non seulement il m'a donné des renseignements, mais il m'a pris dans sa voiture, il m'a emmené sur l'emplacement des anciens studios. C'est ainsi que j'ai vu d'abord le premier studio Maxenet, qui est entre Los Angeles et Hollywood. C'était encore à Los Angeles. Dans Los Angeles même, Fleuret m'a montré l'endroit où Harold Lloyd faisait des acrobaties. Vous savez, quand il avait l'air d'être pendu à une aiguille de pendule au 25e étage. Eh bien, tout ceci était fait sur un tunnel qui traverse la ville, le tunnel d'une rue, pas un tunnel de chemin de fer. Et ce tunnel est là tout simplement pour traverser une colline qui est au milieu, une des nombreuses collines de Los Angeles, car Los Angeles, comme Rome, est une ville de collines. Alors il y a un tunnel, et alors en face de ce tunnel, l'immeuble qui est très haut, qui est un immeuble d'une vingtaine d'étages, a l'air d'être vue d'un autre immeuble. On construit, n'est-ce pas, en premier plan, un petit décor représentant un balcon, et on se trouve, en réalité, sur une colline en toute sécurité, mais avec l'impression qu'on est au 20e étage. Alors, il m'a montré ça, n'est-ce pas? Et puis, alors, nous avons été voir le premier studio de Chaplin, qui est un studio minuscule, peut-être une dizaine de mètres de long. Maintenant, c'est un atelier de peinture. On y peint d'ailleurs des décorations assez vastes, des décorations pour Noël, pour le jour de l'an. Et puis alors, j'ai vu les grands studios, ce sont d'immenses terrains dans lesquels étaient encore plantés les décors de Arène Sanglante avec Valentino. Toute la grande place d'Arène Sanglante était encore là. C'était très émouvant. En réalité, en se promenant dans ces reliques, j'ai vu les studios de Charleret, qui s'y était ruiné, qui existe encore d'ailleurs, l'ancien studio de Griffith, de D.W. Griffith, là où il avait tourné Le Lys Brisé, Intolérance, là où il avait tourné, enfin, tous ses chefs-d'œuvre. Non, j'ai vraiment eu, grâce à Fleuret, l'idée du parfum du Hollywood des premiers âges, du Hollywood du muet. N'est-ce pas, c'est une ville étrange, Hollywood, et c'est une ville dans laquelle les choses ne durent pas toujours, n'est-ce pas? Parmi les gens à qui je demandais de faire de la figuration dans mes films, j'ai eu quelques anciennes vedettes qui avaient été des gloires du muet et qui avaient perdu toute leur situation pour des raisons diverses, n'est-ce pas? J'ai eu Charleret. Charleret a fait de la figuration dans mes films. Même Maurice Tourneur, qui a eu une place considérable aux États-Unis, n'appartenait pas à la tournée de Sarah Bernhardt? Maurice Tourneur habite Paris maintenant. Maurice Tourneur, disons-le, est peut-être l'un des créateurs du cinématographe américain. Le cinématographe américain a été extrêmement influencé par les Français au départ. Il y a eu plusieurs courants, plusieurs origines. Une origine, par exemple, ce sont les films en série que l'on tournait à New York. Et si je ne me trompe, n'est-ce pas, c'est à New York que Gasnier a tourné Les Mystères de New York, n'est-ce pas? Oui. Et Les Mystères de New York, ça a été un immense succès, comme vous le savez. Les Mystères, voilà, il y avait déjà eu en France des films en série. Il y avait eu notamment Fantomas, il y avait eu surtout Protea. Protea. Une acrobate, je crois. Protea était une acrobate, et Protea, c'était des gens de cirque qui avaient commencé l'entreprise Protea. Et je crois que Protea était tourné par le système de production qu'on appelait en France le film d'art. Je crois. Delac et Vandal. Enfin, monsieur de mes amis qui m'écoutent peut-être, redressons mes erreurs si j'en fais. Mais je crois que ce sont les Français, c'est le film d'art qui a envoyé des artistes et des techniciens à New York pour permettre à un groupe américain de tourner des films en série. Le premier de ces films étant Les Mystères de New York. Gasnier était le metteur en scène, Protea, l'actrice principale, c'était une fille de cirque, et son frère était un jeune assistant opérateur, il s'appelait Andriot, et j'ai retrouvé Andriot plus tard à Hollywood, puisqu'il a été l'opérateur de certains de mes films, américains. Andriot, d'ailleurs, était arrivé à New York pensant que ça se terminerait à Hollywood, parce qu'on parlait déjà de Hollywood, et étant à Paris, il avait bien regardé la carte et il avait vu qu'à Hollywood, il y avait une rivière, le Los Angeles River. Et il s'était dit, c'était un fervent du canotage à Joinville, n'est-ce pas? Et il avait une belle yole. Alors il avait emmené sa yole en Amérique. Et il est arrivé à Hollywood avec sa yole et il a trouvé un Los Angeles River qui est un lit de cailloux parce que c'est un torrent analogue au Var ou au fleuve du Midi, qui sont sans eau à peu près la moitié de l'année. Jean Renoir, suivant la trace de ses pionniers et en retrouvant quelques-uns, vous vous êtes installé, je crois, à Los Angeles. Saint-Exupéry, oui, est venu vous retrouver? Naturellement, bien sûr. Et lui aussi était, n'est-ce pas, adorait ses souvenirs du passé, ses souvenirs du cinématographe ancien. Voulez-vous nous tracer un portrait physique de Saint-Exupéry? Un enfant avec une figure d'enfant, des yeux d'enfant, un comportement d'enfant, et tout ce qui fait que les enfants sont des êtres merveilleux. D'ailleurs, lui-même, avec des étonnements et des émerveillements constants. Un amour éperdu des fleurs, des arbres et des femmes. Et puis alors, quelques amours bizarres. Par exemple, l'amour de l'huile d'olive congelée. Oui, nous avons essayé de perfectionner le système de congeler l'huile d'olive. Enfin, j'avais un bon frigidaire chez moi. Il était venu habiter chez moi à Hollywood. Et c'est là où il a écrit son avant-dernier livre. Et alors, nous étions arrivés à de beaux résultats. Nous avions, n'est-ce pas, des récipients carrés, alors l'huile d'olive gelait, et nous l'appliquions sur du pain comme du beurre, et nous nous régalions. Mais quel était votre mode de vie ? N'est-ce pas, il est arrivé, heureusement, avant que je ne commence un film, et lui-même ne s'est mis à écrire que lorsque j'ai eu commencé le film. Comme ça, nous pouvions nous voir. Et d'ailleurs, nous avions des projets. Nous voulions faire un de ses livres, son livre, son voyage en Amérique du Sud, nous voulions le faire ensemble. Nous voulions l'adapter, ne pas le suivre exactement, mais enfin, il y avait surtout un épisode qui nous semblait devoir être très beau à l'écran. C'est l'épisode, vous savez, de ces jeunes filles qui habitent en Amérique du Sud, qui habitent dans une maison absolument écroulée, délabrée, et dans un jardin qui a tout envahi. Et on apprend qu'il y a un cobra dans le jardin. Alors le papa dit aux jeunes filles, faites attention, il y a un cobra, n'est-ce pas ? Et les jeunes filles ne font pas attention du tout. Et puis alors un jour, il y en a une qui s'amuse à grimper sur un arbre, elle a peut-être 16 ans, elle est belle comme tout, n'est-ce pas ? Et elle se trouve nez à nez avec le cobra, qui est de l'autre côté, qui la regarde et qui commence à se fâcher, n'est-ce pas ? Et alors au lieu d'avoir peur, elle fait une déclaration d'amour au cobra, et alors le cobra devient immédiatement très gentil, se dégonfle, n'est-ce pas ? Et la jeune fille est descendue sans mal. Il me semblait que c'était un très bel épisode. D'ailleurs, c'est peut-être le souvenir de cet épisode qui plus tard m'a amené au fleuve. Oui, l'épisode du petit garçon avec le cobra. L'épisode du petit garçon et du cobra, mais oui. Mais qui se termine tragiquement dans le fleuve. Oui. Une autre passion de Saint-Exupéry, c'était les tours de cartes, et je dois dire qu'il était prodigieux. C'est incroyable ce qu'il arrivait à faire avec des cartes. Écoutez, je vous donne un exemple. Il prenait un jeu de cartes, il le battait, et vous le donnait en vous demandant de couper. Bon, vous coupiez sans qu'il voie. Et il vous demandait de bien enregistrer, de bien vous souvenir de la carte que vous aviez vue en coupant. Puis, il vous disait de refermer le jeu de cartes, de le battre, de le lui rendre, et de passer dans la pièce à côté. Vous passez dans la pièce à côté, lui-même tripotait les cartes, je ne sais pas de quelle façon, et au bout d'un instant, vous disait quelle est la carte que vous aviez vue. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis persuadé, d'ailleurs, que ce n'était pas un truc. Je suis sûr qu'il était un peu sorcier et qu'il avait tout simplement lu, dans vos yeux, quelle est la carte que vous aviez vue. De la transmission de pensée. J'en suis convaincu. D'ailleurs, il nous a fait des tours de cartes, mais à l'infini, les plus variés, les plus extraordinaires. Un soir, nous sommes bien amusés. Nous sommes allés à une convention, vous savez, à une espèce de banquet d'illusionnistes. C'était presque tous des figurants de Hollywood qui étaient devenus très pauvres parce que le cinéma, comme en France, avait tué en partie le musical. Et tous ces gens de musical étaient devenus figurants de cinéma et gagnaient leur vie assez mal. Maintenant, leur vie est plus belle grâce à la télévision. Mais avant la télévision, le sort des anciens du café-concert n'était enviable dans aucun pays. Et alors, ils avaient donné une espèce de soirée et nous avaient invités, Saint-Exupéry et moi. Et nous avons passé une soirée dans un petit restaurant, entouré de gens, n'est-ce pas, qui faisaient apparaître un œuf de leur poche, qui nous sortaient une pièce de 100 sous, une pièce d'un dollar du nez, qui faisaient tous les trucs que vous connaissez, mais qui sont toujours ravissants à regarder et passionnants, n'est-ce pas ? Vous savez, on avale une cigarette et puis on la ressort au bout des doigts, elle fume toujours, c'est très joli, n'est-ce pas ? Puis alors quelques-uns faisaient ces numéros en chantant. Et puis alors nous sommes rentrés avec quelques camarades chez moi. Dido dormait, n'est-ce pas ? Il était très tard dans la nuit, mais on a continué. Et le lendemain matin, l'étonnement du très gentil couple noir qui s'occupait de notre maison a été très grand en voyant le plafond parsemé de cartes. Parce que le dernier tour avait consisté à souffler dans des cartes et elles restaient collées au plafond. D'ailleurs, à cette occasion, mon valet de chambre noir a découvert comment se faisait ce tour. Tout simplement, on met un petit morceau de chewing-gum derrière la carte et on l'envoie au plafond et ça colle. Je vous donne le truc, ça fait beaucoup d'effet. Saint-Exupéry avait la réputation de travailler la nuit. Oui, alors lorsque j'eus commencé à travailler à mon film, il commençait à travailler à son livre. Alors à partir de ce moment-là, nous ne nous voyons plus qu'au petit déjeuner du matin, qui pour lui, d'ailleurs, était le dîner. Parce que comme il travaillait la nuit, eh bien, pour lui, la fin de la nuit était pour ce qui est pour moi la fin du jour. Alors donc, pour lui, c'était un dîner. Et pour moi, c'était le petit café au lait du matin. Alors, on passait une demi-heure ensemble, lui dînant, moi prenant le breakfast, et puis nous nous séparions. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes moins vus, parce qu'il avait son travail et que j'avais le mien, et c'était bien dommage.